إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن الله تعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فهما خزائن الأعمال ومراحل الآجال يضيعهما الإنسان ما قام به فيهما من عمل ويقطعهما مرحلة مرحلة حتى ينتهى الأجال عباد الله لقد قطعتم الأكثر من شهر الصيام ولم يبق منه إلا اليسير من الليالي والأيام فمن كان منكم قام بحقه فليتم ذلك وليحمد الله وليسأله القبول ومن كان منكم قد فرط فيه وأساء فليتوب إلى الله فهو أرحم الراحمين أرحم من الوالدة لولدها وقد فتح باب التوبة لعبده مهما بلغ ذنوبه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له أخرجه ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني رحمه الله ومن فطر عباد الله فليتذكر أن هذه الأيام كما قال الله عنها أياما معدودات إخوتي في الإسلام قد جاءت هذه الأشهر الأخيرة من هذا الشهر المبارك وقد أقسم الله تعالى بها في قوله والفجر وليالي العشر فاغتنموها بطاعة المولى العظيم وأحسنوا في أيامه بالصيام ونوروا وحيوا والليالي بالقيام وأختموه بالتوبة والاستغفار فالمحروم من أدرك رمضان فلم يغفر له والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله فاحذروا عباد الله من كل أمر يبتئكم عن إحياء هذه الليالي كلها ومن ذلك ما ينتشر دائما في هذه الأوقات من أن فلان كانت له رؤية على أن ليلة القدر وهذه السنة هي ليلة كذا وكذا فمن الناس من يجتهد في تلك الليلة ويترك ما سواه مع أنه قد ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم أن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهم أفضل البشر بعد الأنبياء في رؤياتهم المنامية كانوا يروا ليلة القدر في العشر الأواخر ومنهم في السبع الأواخر، بل جاءت رؤيا بعضهم بالتحديد أنها في 27، ومع ذلك لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تحديدا، وإنما قال أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها، وفي رواية فالتمسوها في السبع الأواخر. سبحان الله، ليلة أخفيت على خير البشر عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته الكرام رضي الله عنهم، أو تظهروا لأبناء هذا الزمان؟ قال أهل العلم أخفيت من أجل أن يجتهد الناس في العبادات والطاعات، كما أخفيت ساعة الإجابة من يوم الجمعة. فالحذر أيها المسلمون أن نبنى على الرؤيا والأحلام أحكام شرعية، فإن الرؤيا لا تبنى عليها الأحكام، ولنجتهد في هذه العشر الأخيرة، فإن من أحياها كلها سيصيب ليلة القدر بإذن الله تعالى. قال العلماء ونرى كثيرا من المسلمين يجتهدون في ليلة 27 ويتساهلون فيما عادها وقد تكون في غيرها فيحرمون خيرها. نعم، هناك لقول بعض الصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم أنها محددة بليلة معينة، فمنهم من حدد ب27 كما ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وعن غيره 23 وغير ذلك، لكن الصحيح أنها تتنقل في العشر الأواخر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قاله أبو قلابة ونص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق، ثم قال ابن حجر وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تتناقل كما يفهم من الأحاديث في هذا الباب، ورجحه الشوكاني. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح المراد أنه أنسي علم تعيينها في تلك السنة. وقال ابن دقيق رحمه الله والقول بتنقلها حسن، لأن فيها جمع بين الأحاديث وحث على إحياء جميع تلك الليالي، انتهى كلامه رحمه الله. وإنما ترجح هذا القول لأنه ظهر من الأحاديث أنها جاءت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة 21، جاءت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 21، وجاءت في 23، وجاءت في 27، وجاء في الأحاديث بتحري في العشر الأواخر، وجاء بسبع الأواخر، وجاء بالوتر. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو أجز فلا يغلبن على السبع البواقي، أخرجه مسلم. ومن السنة أن تقول فيها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وفقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال تقولين اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعف عني، أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. ولذا بعضهم يزيد والأول التمسك بما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول اللهم إنك عفو كريم، الزيادة هذه في كريم، إنك عفو كريم تحب العفو. والذي جاء في السنة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عباد الله، ولما كانت النفوس تشتاق إلى معرفة تلك الليلة بعينها، فقد ثبت عنها علامات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن تطلع الشمس في سبحة يومها بيضاء لا شعاع لها كما في صحيح مسلم، وأن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى كما عند أحمد وحسنه الألباني، وأنها ليلة بلجة يعني أي مشرقة لا حار ولا باردة كما أخرجه الطبراني وغيره وحسنه الألباني، وثبت نزول المطر في ليلتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يأتي نص صريح صحيح في أن ذلك من علاماتها المعروفة كطلوع الشمس بلا شعاع في صباحتها، والله أعلم. وهناك علامات باطلة ومنكرة لم تثبت، من أن البحر يكون عضبا، أو أن الأشجار تضع فروعها على الأرض، أو رؤية الأنوار في الأماكن المظلمة، أو تسليم الملائكة على أهل المساجد، أو عدم إباح الكلاب وغير ذلك، فاحذروا من هذا كله ولا تغتروا به. قال العلماء: عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها من قامها إيمانا واحتسابا. ومما ينبغي التنبيه عليه أن كثيرا من الناس يتقصد الليلة 27 من رمضان بالعمرة، يظنون أن في ذلك فضيلة معينة، وهذا خطأ، بل هو إحداث في الدين لم يأذن به الله. قال العلماء: ونقول تخصيص تلك الليلة بالعمرة بدعة، لأنه تخصيص لعبادة في زمان لم يخصصه الشارع، والذي يخصص في ليلة القدر هو القيام الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر، ولم يقل من اعتمر ليلة القدر، وإنما قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فتخصيص ليلة القدر بعمرة هذا من البدعة. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، مما كان يحرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام: الاعتكاف في المسجد تفرغا لعبادة ربه وتحريا لليلة القدر. فالاعتكاف في رمضان سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وينبغي أن يكون الاعتكاف على الوجه المشروع، وهو أن يلزم مسجدا لطاعة الله تعالى، بحيث يتفرغ من أعمال الدنيا إلى طاعة الله تعالى. والصحيح أن الاعتكاف يبدأ من غروب الشمس يوم 20. قال أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة 21 لا من فجر 21، من ليلة 21 لا من فجر 21، وإن كان بعض العلماء يذهبون إلى أن ابتداء الاعتكاف من فجر 21 مستدلا بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري رحمه الله: فلما صلى الصبح دخل معتكفا. لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس. وأما نية الاعتكاف فهي من أول الليل، لأن العشر الأواخر تبتدي من غروب الشمس يوم 20. انتهى كلامهم رحمهم الله. وأما خروجه يعني من الاعتكاف، فإنه يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، ويكثر فيه من أنواع القربات والنوافل والطاعات من صلاة وقرآن وطلب علم وذكر، فلا يبيع ولا يشتري ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، ولا يتبع جنازة ولا يعود مريضا. وأما ما أحدثه بعض الناس اليوم فهذا ينافي مقتضى الاعتكاف، كما يفعل بعضهم من الحديث في أمور الدنيوية والاستماع للأناشيد والاتصال بالهواتف المحمولة لغير حاجة. نسأل الله عز وجل الهداية لنا ولهم. ولا بأس بالحديث يعني النافع، لا بأس بالحديث النافع، ليس الحديث يعني الدنيوي. وهناك أحكام أخرى للاعتكاف ينبغي التفقه فيه قبل الدخول فيه، ينبغي ذلك. أيها المسلمون، إن من قلة الفقه في الدين أن يقدم بعض الناس وبخاصة الشباب الاعتكاف على بره بوالديه وعلى واجبته اتجاه أهله أو أمور أخرى مهمة، فتجد بعضهم يترك والديه أو أحدهما ليتفرغ للاعتكاف وهم في حاجته، مع العلم أن البر بالوالدين فرض وواجب، بينما الاعتكاف سنة. والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أخرجه البخاري، مما افترضت عليه. لا نقدم الذي ليس واجب على الواجب. أيها الآباء والأمهات، لا تتركوا أبناءكم يعتكفون لوحدهم، فإن الجماعات الحزبية من الخوارج والصوفية وغيرهم يستغلون هذه التجمعات لنشر أفكارهم. كما تعلمون عن الخوارج كيف بيعوا أميرهم في وسط الحرام المكي، فلا تتساهلوا في مثل هذا أبدا، وبينوا لغيركم. عباد الله، إن من حيال الشيطان وبخاصة في تلك الأيام المباركة من هذا الشهر المبارك ما يصرف عنهم عن فعل الطاعات، كانشغالهم باللعب ومتابعة الفضائيات والمسلسلات والأفلام، فتجد أن المسلمين يصلون القيام ويقرؤون القرآن ويبكون ويدعون الله ويتضرعون إليه أن يتقبل منهم، بينما تجد صاحبنا هذا يلعب أو يتتبع في الأفلام والمسلسلات في وقت ينزل الله سبحانه وتعالى فيه في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر. فسبحان الله، ما أعظم الخسارة وما أكبر التفريط. فالبدار البدار أيها المسلمون إلى اغتنام ما بقي من هذا الشهر الكريم، فلا ندري والله هل كتب لنا أن نصوم رمضان آخر، أم أن هذا أخي آخر رمضان في حياتنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، serviteur d'Allah, craignez Allah Azzawajal comme il se doit. Et rappelez-vous que personne ne peut fuir d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal est le créateur de tout. Personne ne peut fuir d'Allah Azzawajal. Il nous a créés à partir de rien. Et à partir de rien, il nous recréera pour le jour de la résurrection. Le jugement dernier. Soit pour ceux qui ont œuvré avec piété et qui ont concrétisé le pur monothéisme d'Allah Azzawajal entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Tandis que d'autres, parmi les musulmans, auront un passage en enfer afin d'être purifiés de leurs péchés avant de retourner au paradis s'ils étaient restés sur le pur monothéisme d'Allah Azzawajal, s'ils n'associaient rien à Allah Azzawajal durant leur vie. Donc on demande à Allah Azzawajal de nous guider tous sur la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Rappelez-vous qu'Allah Azza wa Jal nous observe constamment. Et rappelez-vous qu'on devra rendre des comptes. Et rappelez-vous que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal, quoi que l'on fasse. Peu importe les discussions que les gens tentent d'avoir afin d'oublier leur retour vers Allah Azza wa Jal, le retour vers Allah Azza wa Jal est une vérité. Personne ne peut fuir d'Allah. À nous de nous remettre en question avant que nous touche la mort. Sachez que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et que la meilleure des guidées, c'est la voie sur laquelle était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et que les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion d'Allah Azza wa Jal afin de se rapprocher d'Allah. Ce sont les plus mauvaises choses. Et toutes ces choses nouvellement inventées dans la religion d'Allah, dans la religion complète d'Allah, ce sont des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement. Toute innovation religieuse est un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Serviteurs d'Allah, nous avons déjà passé une grande partie du mois de Ramadan. Subhanallah, hier encore, nous étions en train de se demander quand allait débuter le mois de Ramadan. Et aujourd'hui, il n'en reste que une dizaine à partir de demain, soit. Remise en question. Comment s'est passé ce mois de Ramadan? Comment s'est passé les jours qui sont passés? Sommes-nous toujours dans notre insouciance, en train de se dire « Demain, ce sera mieux ?» En pensant que, bon, la prochaine fois, mais qui te dit que tu vas atteindre une prochaine fois? Et qui te dit que tu te lèveras le lendemain? Celui donc qui a prié ses nuits, comme il se doit, qu'il continue sur cela et qu'il loue Allah Azza wa Jal de lui avoir facilité cela. Et qu'il demande à Allah Azza wa Jal d'accepter de lui. Quant à celui qui a raté les prières nocturnes du mois de Ramadan et qu'il a mal usé de son temps en passant son temps à dormir afin que le temps passe plus vite, et bien qu'il se repente à Allah Azza wa Jal, car la porte de la repentance est toujours ouverte. Toujours ouverte. En deux situations, où est-ce que la repentance n'est plus acceptée? Lorsque l'individu est en train de mourir, la repentance n'est plus acceptée. Et lorsque le soleil se lèvera de l'ouest, ce jour-là, tout le monde croira, mais ce ne sera pas accepté. Donc, que nous reste-t-il? Sur le mois de Ramadan, sur ce qu'on a raté, dû à cette paresse qui nous hante, en pensant que nous sommes de bons musulmans, en pensant que nous sommes meilleurs qu'un tel, alors qu'on n'arrive pas à rester attentif à lire une page du Coran, alors qu'on n'arrive pas à se maintenir à faire du dhikr, à faire un acte pieux qui peut nous être bénéfique. Donc la porte de la repentance est ouverte. À tous, on se doit de revenir vers Allah Azza wa Jal, et ceci peu importe les péchés que l'individu a commis, tant qu'il se repent sincèrement auprès d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les conditions du repentir sincère, c'est qu'il regrette ce qu'il a fait avec sincérité, et qu'il a des remords, et qu'il ne veut plus retourner dans le péché dans lequel il était, comme il ne souhaiterait pas qu'il soit jeté en enfer. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, « Dis ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et le prophète a.s.w. a dit, « Celui qui se repent d'un péché est comparable à celui qui n'a pas de péché. » Celui qui se repent d'un péché est comparable à celui qui n'a pas de péché. Donc prenons cette occasion-là. Tant que nous pouvons encore respirer, tant qu'Allah Azza wa Jal nous a encore facilité le fait que l'on peut avoir l'occasion et l'opportunité de se rappeler de ses péchés afin de se repentir. Rappelez-vous, parmi les châtiments qu'Allah Azza wa Jal peut infliger à un individu, c'est que cet individu oublie les péchés qu'il a commis. Comme châtiment. S'il a oublié les péchés qu'il a commis, cela signifie qu'il ne se repentira pas. Donc prenez garde à ces péchés dont l'armée du diable parmi les djinns et les humains tente de vous faire banaliser à force de s'habituer à commettre des péchés. On oublie que cette chose-là est un péché. Et donc, on va le considérer comme étant une chose normale. Et donc, on ne se pose pas la question que, est-ce un péché ou pas ? C'est rentrer dans la banalité. Vous voyez le danger de la banalité ? La vie du musulman n'est pas une vie banale de tous les jours. Chaque jour, il doit avoir comme objectif d'être meilleur qu'hier. Et en espérant de vivre demain, il fait ses comptes le soir. Comme Omar ibn Khattab a dit, pesez vos actions avant qu'elles soient pesées pour vous. Pesez vos actions avant qu'elles vous soient pesées. Et quant à ceux qui n'ont pas pu jeûner pendant ce mois de Ramadan, ou pendant des temps de maladie, ce n'est pas les conditions de chacun, eh bien, il se doit de rattraper ses jours lorsqu'il sera en bonne santé. D'accord ? Les 10 derniers jours de Ramadan, de par son importance, Allah Azza wa Jal a juré par la prière de l'aube et par les 10 dernières nuits, comme dans la traduction du sens du verset, par le fajr, par la prière de l'aube et les 10 nuits. Mais je me dois de souligner un point ici important. Lorsqu'Allah Azza wa Jal jure dans le Coran par le temps ou par les nuits ou par l'aube, par n'importe quelle créature, seul Allah Azza wa Jal a le droit de jurer par cela. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal jure par cela, c'est pour donner l'importance de cette chose-là. Pour qu'on comprenne bien que c'est pour donner l'importance de cette chose-là. Donc ce n'est pas à nous, lorsque nous lisons le Coran, et de penser que nous avons droit de jurer sur autre qu'Allah. Ça c'est du shirk. Jurer sur autre qu'Allah, c'est du polythéisme, c'est de l'associationnisme, c'est de l'injustice. Et le shirk, c'est la pire des injustices. Donc nous, on cherche quoi ? Pendant ce mois-là, à se réformer, en espérant d'être meilleur, en espérant qu'Allah Azza wa Jal accepte de nous. Donc on ne va pas essayer de tomber dans ce qui corrompt le pur monothéisme. Donc on se doit de profiter de ces 10 nuits qui restent maintenant. 10 nuits qui restent. D'accord ? Et on essaie de perfectionner notre jeûne pendant les 10 jours qui nous restent. La perfection du jeûne, lorsqu'on parle de perfection du jeûne, tes yeux jeûnent, tout comme toi, lorsque tu te coupes de la nourriture, tu jeûnes. Le jeûne, c'est le fait de se retenir d'une chose. Tes yeux se doivent de jeûner. Tes oreilles se doivent de jeûner. Ton corps se doit de jeûner. Tes jambes se doivent de jeûner. Tes bras se doivent de jeûner. Ton cœur se doit de jeûner. Tu es dans une adoration. Tu es dans une adoration. Tu lui donnes de l'importance. Tu es différent de ces animaux que l'on attache à un poteau et que l'on ne donne pas à manger. Est-ce qu'il jeûne ? Bien sûr qu'il jeûne. Il est privé de nourriture toute une journée. Il va jeûner, ce mulet qui est accroché à un poteau. Alors veux-tu ressembler à cet animal-là ? Ou à un serviteur d'Allah Azza wa Jal, qui adore Allah Azza wa Jal, par le jeûne. Donc cela ne signifie pas que le jeûne se termine, certes lorsqu'on coupe le jeûne, mais nous sommes dans le mois de Ramadan. Certains délaissent les prières et donnent de l'importance au tarawih, aux prières nocturnes. Les prières nocturnes, c'est surérogatoire, ce n'est pas une obligation. Mais tu les fais en espérant de recevoir la récompense de se voir pardonner les péchés. Barakallahu fik. Donc on doit craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Donc on se doit, dans les jours qui nous restent, dans les nuits qui nous restent, de perfectionner notre jeûne. De se réformer sincèrement envers Allah Azza wa Jal. Et en participant aux prières nocturnes, en espérant qu'Allah Azza wa Jal accepte de nous. Car qui prie les prières nocturnes avec foi, hein, et en souhaitant la récompense d'Allah, Allah Azza wa Jal lui pardonne ses péchés mineurs qu'il a fait auparavant. Parce que les péchés majeurs nécessitent une repentance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté, faisait énormément d'efforts dans ces nuits restantes du mois de Ramadan, tel dans le hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha, dans lequel elle rapporte que lorsque ces nuits arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait réveillé la nuit et réveillait sa famille pour profiter du bien énorme à récupérer durant ces nuits. Car, comme nous allons le voir, nous ne savons pas quand et Laylatul Qadr, la nuit du destin. Prenez donc garde, serviteurs d'Allah, de ce que prétendent certaines personnes en disant qu'ils ont eu une vision, leur disant que la nuit du destin, cette année, c'est tel jour, c'est telle nuit là. Si bien que ceux qui les écoutent, ils vont se mettre à venir avec des beaux vêtements cette nuit-là, à prier les prières nocturnes, et en délaissant les autres nuits. Cependant, il a été rapporté dans les hadiths authentiques, selon Ibn Omar radiallahu anhu, dans le Bukhari et Muslim, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs des gens après les prophètes et messagers, qu'ils ont vu dans leurs rêves que la nuit du destin se trouvait dans les 10 dernières nuits, d'autres dans les 7 dernières nuits. Certains ont spécifié que c'est la nuit du 27. La nuit du 27, ça veut dire 26e jour, d'accord ? La nuit du 27. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il a entendu ça d'eux, qu'est-ce qu'il leur a répondu ? Il leur a dit, la nuit du destin, Laylatul Qadr, se trouve dans les 10 dernières nuits. Dans les 10 dernières nuits. Recherchez-la dans les nuits impaires. Et dans une autre narration, recherchez-la dans les 7 dernières nuits. Comment donc des personnes contemporaines peuvent prétendre connaître exactement quelle nuit serait la nuit du destin, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ne le savaient pas? Les savants ont dit que le fait de spécifier un jour à cette nuit-là du destin, elle a été cachée afin que les gens fassent des efforts dans les adorations comme l'heure du vendredi où l'exaucement de l'invocation a été caché. Afin que tu fasses des efforts à invoquer Allah Azza wa Jal durant le vendredi. Car il y a une heure durant le vendredi qui est cachée dans laquelle Allah Azza wa Jal exauce l'invocation de celui qui l'invoque. D'accord ? Eh bien, en parallèle, cette nuit-là du destin a été cachée dans les 10 dernières nuits afin que le musulman se doit de faire des efforts à la rechercher, à faire ses prières nocturnes. Et s'il fait toutes ses prières nocturnes pendant les 10 dernières nuits, avec foi et avec, en souhaitant la récompense d'Allah Azza wa Jal, il reçoit la récompense. Il aura Laylatul Qadr. Donc il n'est pas permis à souligner important, il n'est pas permis d'établir des jugements juridiques à partir de rêves. C'est pas on fait un rêve et on commence à établir des législations. Notre religion, elle est complète. Barakallahu fikoum, il suffit de retourner au Coran et à la Sunna. Et non sur des rêves de certains, ou voire de certains contemporains. On voit également des musulmans faire des efforts la nuit du 27. Ils viennent, Laylat Sab'a Ashrin. Soit à la maison, ils préparent un plat spécial. Ou ils viennent avec des vêtements spéciaux, comme si c'était l'Aïd. Et ils restent assidus jusqu'à la fin. Mais on ne sait pas si c'est la nuit du 27. On doit comprendre ça. On ne sait pas si la nuit du 27 sera la nuit du destin. Et le problème, c'est que s'il se concentre que sur cette nuit-là, il sera privé de la récompense et du bien s'il s'avère que c'est tombé dans une autre nuit. En effet, il y a différentes narrations authentiques rapportant que la nuit du destin a eu lieu la nuit du 21. A eu lieu la nuit du 23. A eu lieu la nuit du 27. La nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 27. Et l'avis le plus juste est que la nuit du destin n'est pas fixe. C'est pas chaque année, ça reste sur un jour fixe. Mais ça change dans les 10 dernières nuits, tel que l'a affirmé Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah. Et celui qui a fait l'explication de Sahih al-Bukhari. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a vu la nuit du destin, puis il l'a oublié quelle nuit c'était, Ibn Hajar rahimahullah a dit qu'il a oublié quelle nuit c'était pour cette année. Ça ne veut pas dire que c'est fixe à un jour. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire des efforts les 10 nuits. Et l'invocation à dire, c'est « Oh Allah, tu es celui qui pardonne et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. » Et ce n'est pas de rajouter le terme « Oh Allah, tu es celui qui pardonne » et « El-Kerim, celui qui est généreux, qui est l'honorable. » D'accord ? On ne rajoute pas des choses, nous, de notre tête, barakallahu fik, c'est une religion de suivi. Il y a des signes de la nuit du destin, tels que le fait qu'une pluie fine tombe durant cette nuit-là, qu'il ne fait ni froid ni chaud, que le soleil se lève le lendemain, d'accord, sans émettre de rayons forts. Mais il n'y a rien qui prouve authentiquement que ces signes sont spécifiques à la nuit du destin. Certes, ils ont pu se dérouler du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est déroulé comme cela, mais rien ne prouve un texte qui ne prouve pas que, eh bien, lorsqu'il y a la nuit du destin, c'est comme ça que ça se déroule. Et Allah est le plus savant. Il y a des faux signes inventés par des gens qui n'ont rien d'autre à faire qu'à vouloir égarer les gens. Ils disent par exemple, la nuit des destins, il n'y a pas d'aboiement de chien, que des endroits sombres deviennent éclairés, et que les anges saluent les gens des mosquées. D'accord ? Et cela, donc ce sont des fausses narrations. D'accord ? Ce sont des signes yarni batal, qui sont faux. Il y en a d'autres qui vont spécifier la nuit du 27 pour faire une umrah. D'accord ? Et ceci, c'est une innovation religieuse. Ça veut dire que c'est un égarement. Et cela veut dire que tout égarement mène au feu de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait les prières nocturnes la nuit du destin. Et non, et il n'a pas dit celui qui fait une umrah la nuit du destin. Il a dit celui qui fait les prières nocturnes la nuit du destin aura la récompense. Concernant l'i'tikaf, la retraite pieuse, d'accord ? Eh bien, la retraite pieuse, il y a des règles. Et elle commence le 20e jour au coucher du soleil. Le 20e jour, c'est-à-dire, en ce qui nous concerne aujourd'hui, demain, au coucher du soleil, c'est le début des 10 derniers jours. D'accord ? Demain, au coucher du soleil. Donc, celui qui veut faire l'i'tikaf, il fait l'intention, d'accord ? Donc, à partir donc, de demain. Et il commence lorsqu'il y a le coucher du soleil. D'accord ? Et la sortie de l'i'tikaf se fait au dernier jour du mois de Ramadan, au coucher du soleil. Il ne sort pas avant, il attend que le soleil se couche. Et là, il peut sortir. Et il est demandé, pendant l'i'tikaf, pendant la retraite pieuse, de faire d'augmenter en termes d'actes d'adoration, en termes de dhikr, en termes de lecture du Coran, en termes de nawafil, de prière surérogatoire. Et non comme on peut voir de nos jours. Des gens, ils vont se mettre dans un coin et ils vont se mettre à parler de tout et de rien. De leur vie d'ici-bas, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils n'ont pas fait, du travail qu'ils sont en train de chercher, etc., etc. Tu es dans une adoration. Tu es en train de faire une adoration, un acte d'adoration. Tu te dois de te conformer à ce qui est légiféré. Tu souhaites la récompense d'Allah Azza wa Jal, tu te dois de rechercher cela. Et non pas la rater. D'autres vont utiliser leur portable, jouant à des jeux, ou en téléphonant à des amis, à croire qu'ils se sont enfermés, ils attendent vraiment quand est-ce qu'ils puissent sortir. C'est un acte d'adoration. Et qu'on se doit de faire nos efforts, de le faire correctement, en espérant qu'Allah Azza wa Jal accepte de nous. D'accord ? Barakallahu fikoum. Et il y en a d'autres, ils vont se mettre à écouter des anachides. Depuis quand les anachides font partie de l'islam ? Ça, c'est une tromperie du diable, du shaitan. Avant, les gens, que faisaient-ils ? Pour détourner les gens du Coran. Et ils leur disaient, venez, pour pas qu'ils écoutent le Coran, qu'est-ce qu'ils leur faisaient ? Venez, nous allons vous raconter des histoires sur les Romains. Afin de les écarter de l'écoute du Coran. Aujourd'hui, c'est la musique. Mais comme maintenant, le statut, et même dans les hadiths de Sahih al-Bukhari, le statut qui est clair sur l'interdiction de la musique en islam, sur le fait que la musique plante l'hypocrisie dans le cœur, comme Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih al-Bukhari, des gens de ma communauté rendront licite la fornication, le port de soi, les instruments de musique et la consommation d'alcool. Des gens de comme ma communauté rendront ici cela. Et le danger. Alors, pour détourner de cela, les gens instaurent des anachides. L'individu sent une augmentation de foi, subhanallah, en écoutant un individu chanter avec une voix de femme, en pensant qu'il va être, que c'est bien, qu'il est dans la religion bien et tout cela. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait cela? On doit craindre Allah azza wa jal comme il se doit. Les sahaba, c'était des gens sérieux. Une responsabilité. Un message à transmettre à l'humanité. Il n'y avait pas le temps de ce genre de choses que les individus font afin d'écarter les gens du Coran. Donc ils vont mettre cela en pensant qu'il n'y a pas de mal dans cela. Alors que cela, non. Il faut s'en écarter de cela. Tu préfères écouter des anachides et délaisser la parole d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. La parole d'Allah, le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Tu préfères que les gens écoutent cela que d'écouter le Coran. On doit craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Certains, ils vont délaisser leurs parents pour, comme excuse, de vouloir faire les i'tikaf. Ou ils vont délaisser leur famille. Comme excuse, ils font un acte pieux. Cependant, le comportement avec les parents, le bon comportement avec les parents, est un acte obligatoire. L'irtikef, c'est un acte surérogatoire. On ne devance pas le surérogatoire à l'obligatoire. L'obligatoire passe avant. Si tu as une famille qui ont besoin de toi, tu ne dois pas les délaisser. Et aussi, un conseil à tous les pères et mères. Ne laissez jamais vos enfants seuls à faire l'i'tikaf dans les mosquées. Car il y a des gens qui font partie des groupes et sectes égarés, qui vont essayer de tourner autour d'eux, comme les loups tournent autour d'une brebis, isolée, afin d'essayer de le ramener avec eux, ou lui injecter un doute. Soit tu fais l'i'tikaf avec ton fils, mais ne laisse pas ton fils tout seul. Car les gens de l'innovation et ceux qui invitent à l'égarement sont nombreux de nos jours. Voyez les khawarij. Ces khawarij, pour résumer, les khawarij, ce sont les terroristes actuels. Eux, ils viennent avec une apparence d'acte pieux. Et au milieu, yani à la mosquée sacrée, à la Mecque, des gens là-bas ont prêté allégeance à leur cheikh. Vous voyez, il était délaissé tout seul. Ils sont venus, ils lui ont donné quelques équivoques. Donc, Faites attention à cela. Et on doit craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et on doit faire des efforts pour les 10 dernières nuits qui nous restent à essayer de faire en sorte qu'on fait notre maximum. Car personne d'entre nous ne sait si on pourra avoir un autre ramadan l'an prochain. Personne d'entre nous ne sait si c'est le dernier des ramadans que l'on fera. Dans quel état tu veux rencontrer Allah Azza wa Jal? Avec l'espoir de vivre une autre fois, je suis encore jeune, la prochaine fois. Ceux qui ont dit cela nous ont aujourd'hui précédés dans les cimetières. Je suis encore jeune, trop jeune pour mourir. Le lendemain, quand je serai plus grand, j'essaierai de, voilà, quand je serai marié, je ferai, quand je, et il meurt. On demande à Allah Azza wa Jal de nous guider tous sur la voie prophétique, de nous montrer la vérité comme étant la vérité et qu'on la suive, et que l'on voit le faux comme étant le faux et qu'on l'évite. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa barik lana fi ma atayt tabarakta rabbana wa ta'alayt. Allahumma aizz al-islam wal muslimin. Allahumma aizz al-islam wal muslimin. Allahumma aizz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum wa rahmatullahi.